Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir permis d'intervenir pour la première fois dans un colloque. Je suis ému, mais ça devrait bien se passer, j'espère. Je précise que j'ai décidé d'orienter ma présentation sur des aspects méthodologiques principalement, de prosopographie, d'études d'analyse des réseaux sociaux, appliqués à mon sujet de thèse, donc l'ancienne noblesse d'Île-de-France, de Philippe Auguste à Charles VII, entre 1180 et 1441. Désolé pour l'affichage, petit problème technique. Alors, dans un cadre historiographique bien précis, dominé par deux choses. D'abord, Jean-Philippe Genet a indiqué que la genèse de l'État royal et celle de l'ordre nobiliaire vont de pair. Donc je me suis dit qu'il était peut-être certainement intéressant d'étudier la noblesse la plus proche du roi, donc en Île-de-France. Ensuite, on a aussi un problème historiographique. Il existerait une crise de la noblesse entre le XIVe et le XVe siècle, d'après Guy Bois, par exemple. Brigitte Bedos, qui a réalisé une thèse sur les Montmorency dans la région, indique que le chevalier de souche ancienne est en train de disparaître en tant que propriétaire foncier à la fin du XIVe siècle. Donc ça, c'est les pros. Puis après, j'ai les anti. C'est-à-dire que, par exemple, Joseph Morcel indique qu'affirmer l'existence d'une crise est impossible si les contre-exemples la contredisent. Donc il a lancé un appel à des études de détail. Donc je me suis dit que l'intérêt était d'approcher plutôt la noblesse sous l'aspect individu noble. Donc, je me suis d'abord intéressé à la micro-histoire. En plus, je collaborais avec des archéologues qui travaillaient sur les maisons fortes des seigneurs que j'étudiais, donc ça tombait bien. Et puis, comme j'ai participé à des séances de formation en prosopographie organisées par Hélène Mier, Thierry Coimet ou Lamop, je me suis dit, tiens, la prosopographie, c'est intéressant, je vais me lancer là-dedans. Et mon problème, c'est que pour étudier les survies de lignage nobiliaire, forcément, il y a des liens entre eux et je ne voyais pas comment relier des fiches prosopographiques. Je ne savais pas comment faire jusqu'à ce qu'il y ait eu trois déclics, en fait. Alors, le premier, c'était la publicité organisée par Nature sur le Facebook médiéval. Alors, ça m'a amusé. J'ai lu l'article de l'équipe de Florent Hautefeuille. J'ai rien compris. Donc, je me suis dit, j'ai besoin de formation. Et donc, j'ai suivi l'atelier des réseaux sociaux de l'HESS que je conseille parce que c'est très, très formateur. Et puis, j'ai lu l'article paru dans Redes d'Isabelle Rosé, qui a indiqué qu'en fait, on pouvait faire l'analyse des réseaux sociaux au haut Moyen-Âge. Donc, je me suis dit que, yes, I can, je pouvais le faire au niveau du bas Moyen-Âge. Donc, allons-y. Alors, le plan, je vais organiser en trois parties. Je vais d'abord parler de l'objet d'étude de la prosopographie, donc l'ancien noble comme individu social, en présentant mon étude de cas. Je vais présenter ma méthodologie de traitement des sources, en présentant les biais, la base de données rapidement, la typologie des relations, et évoquer très brièvement le traitement des métadonnées informatiques. Et ensuite, je m'expliquerai comment j'ai mis en place l'analyse de réseau avec le logiciel GFI et quelques interprétations de graphes. Alors, l'objet d'étude, c'est simple, c'est l'individu noble vivant en société. C'est un ancien noble, c'est-à-dire noble reconnu tel quel par leur père et jamais un nobi, je précise, c'est important. Possessionné en Île-de-France pendant la période étudiée, en activité entre 1180 et 1430. Je vais aborder les modes d'affirmation de l'individu. Donc, les nobles s'affirment via leurs armoiries, leur titulature. Ils ont aussi des surnoms. Je vais aborder la prédétermination de leur position sociale en examinant leurs différentes activités, leur carrière. Je vais aussi enquêter sur les modes de survie de la noblesse, donc via leur réseau de soutien, l'appartenance à des alliances, des partis, et étudier leurs ressources de subsistance. Ça, c'est l'objectif de départ. L'étude de cas, donc deux lignages, topolignages, j'expliquerai après la différence. Donc les Choiseuls, ce sont des gruyers, donc des administrateurs de la forêt d'Alate qui se trouve au nord de la ville de Senlis, donc au nord de l'île de France. Et les Choiseuls de Chennevières qui se trouvent à Chennevières-les-Louvres, à côté de l'aéroport de Roissy, actuel, je précise. Et, oui. À la base, Brigitte Bedos montrait dans sa thèse qu'il s'agissait de riches familles paysannes. Problème, c'est que je les retrouve dans un armorial qui s'appelle l'armorial Wiesenbergen, qui date de 1267, qui classe les nobles par région. Et on s'aperçoit d'abord qu'il s'agit bien de deux lignages qui ont certainement un ancêtre commun, parce qu'ils s'apparentent, et puis en plus, ils sont à côté dans l'armorial. Et surtout, ils ont choisi la fleur de lys, or, qui est une partie évidemment de l'armoirie capétienne, et donc d'autres auteurs ont dit que c'est certainement une preuve de la proximité du roi. L'exploitation des sources, la méthode. Alors, j'utilise plusieurs outils. D'abord, il faut que je reconstitue les lignages, et les trajectoires de vie, donc les itinéraires biographiques, c'est la même chose pour moi, grâce à un logiciel de généalogie professionnelle que je trouve absolument fantastique, qui s'appelle Eredis, donc la dernière version. J'étudie la prosopographie des individus. Alors, en fait, je pars d'un questionnaire prosopographique. À partir de ce questionnaire, je construis mes formulaires dans Access qui alimentent la base de données. Et la structure de la base de données est établie à partir de la structure du questionnaire. Ensuite, je me suis lancé dans de grandes aventures autour de la cartographie dynamique des réseaux avec GFI et j'espère pouvoir utiliser le module de géolocalisation pour établir la cartographie des cartographies spatiales. Et puis un SIG, voilà. Quelles sont mes sources ? Elles sont diverses et variées, parce que c'est une étude prosopographique. Donc les archives aux archives nationales, la série X des actes de Parlement de Paris, les avenues d'embourbement, des documents de généalogie trouvés à la BNF, cartulaires de monastères, séries ecclésiastiques et les chroniques. Donc pour répondre donc, ce que je disais, à un questionnaire prosopographique qui est centré autour de différentes rubriques importantes, les parentés, les carrières, les transferts de biens de possession et l'appartenance à des groupes. Et surtout, je précise que j'essaye de mettre en place aussi un dictionnaire de typologie de relations ou thésaurus. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Alors, pour anticiper les réactions de la salle, j'ai essayé de faire une autocritique de la méthode. D'abord, je précise ma définition de réseau égocentré. Pour moi, c'est un réseau égocentré, c'est centré sur un lignage ou un topolignage, c'est-à-dire une parenté associée à un centre de pouvoir géographique. Ensuite, les relations des individus qui sont liés à égo, je les retiens quand leur lignage d'appartenance apparaissent de manière fréquente dans les sources. Alors, je vis un psychodrame depuis un an parce qu'on me dit que l'extension au réseau complet de l'ancienne noblesse d'Île-de-France est quasiment impossible. Et donc, pour deux problèmes de temps, une thèse c'est terriblement 3 ans, j'en suis à 5. Et ensuite, les lacunes de sources en histoire médiévale. Jusqu'au moment où j'ai lu un article de Claire Lemercier il n'y a pas longtemps, qui indique qu'en fait, les lacunes des sources médiévales, c'est un faux problème, puisqu'en sociologie contemporaine, on a aussi des témoignages recueillis qui sont incomplets, et en plus, on construit un modèle informatique qui est forcément éloigné, c'est une représentation du réseau complet, donc réseau complet, c'est un peu une utopie, enfin, si j'ai bien compris le sens de l'article. Pourquoi je me pose ces questions ? C'est parce que moi, j'adore la question des biais, je suis fan, et moi, ce qui m'énerve, c'est que vu que je ne peux pas accéder au réseau complet, j'ai forcément un biais très important sur les indicateurs de centralité. Et ça, je trouve ça insupportable. Ensuite, pour le gain de temps, je me suis dit que... hier, j'ai trouvé une formulation génialissime de collection de réseaux égocentrés. Je trouvais que je devais retenir la notion, donc je vais certainement me lancer dans une action de collection de réseaux égocentrés d'échelle variée. C'est-à-dire que je vais prendre des lignages d'influence de plus en plus importantes. Donc j'utilise des jeux d'échelle. Et puis, le problème de la dynamique des réseaux, donc ma période d'étude est de 250 ans, c'est important pour différencier les liaisons pérennes des liaisons éphémères, mais la résolution temporelle, c'est un facteur clé, ça joue sur le zoom, en fait, du réseau, et c'est assez difficile de fixer cette résolution. Alors, comment je traite mes sources ? Donc là, c'est le logiciel de généalogie que j'utilise en action. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux transcrire les sources photographiées dans un même écran en bas à droite. Une source est associée à un événement, j'ai mon itinéraire biographique en haut à gauche, liste d'événements, et je peux en plus extraire les fiches biographiques automatiquement, c'est génial. Concernant la base Access, alors je vais très brièvement évoquer comment je la construis. Donc, j'ai une table d'individus centrale, pour l'instant 200 enregistrements et j'envisage 1000. Les individus sont... j'étudie 3 types d'attributs de ces individus, les armoiries, les titulatures ou statuts, les surnoms. Les individus, je les associe dans une table RLI relations entre individus ou dans une table de relations entre individus et entités, institutions ou acteurs collectifs. Je différencie les deux. Et enfin, le must du must, j'utilise ce qu'on appelle des tables types. Ce sont des tables qui permettent de classer tout type d'informations. Donc le type 0, ça permet de typer les relations entre individus. Je peux typer relations entre individus et entités. Je peux même typer les entités et typer les statuts. Je fais pareil pour la table de carrière. La table de carrière, c'est un ensemble d'éléments de carrière. Alors, c'est quoi un élément de carrière ? C'est quand même une relation entre un individu et un patron, ou une relation entre l'individu et l'institution dans laquelle il travaille. Et bien évidemment, ces éléments de carrière sont classés dans ma table type 6 qui contient la classification des carrières. Je fais la même chose pour les étapes de mission, les expéditions militaires, et pour l'étape de transfert de biens. Bon, ça donne ça. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Et voilà un exemple de table type pour typer les relations. Donc à gauche, les relations entre individus, avec groupe, sous-groupe, libellé, donc groupe, vassalité, parenté, relations de charte, relations juridiques. Je précise que ces tables sont essentielles parce qu'elles me permettent d'alimenter les menus déroulants qui s'affichent dans mes formulaires. Les menus déroulants ne sont jamais stables. Enfin, ils vivent toujours. Et je n'ai pas besoin de changer la table, la base. Alors après, je fais des requêtes SQL pour faire une analyse de réseau. J'utilise le logiciel de cartographie GFI, qui pour moi est un excellent logiciel de cartographie, qui permet de faire la dynamique de réseau assez facilement, qui a un module de géolocalisation, et c'est un autre avantage. Les inconvénients, c'est assez difficile. Je trouvais le logiciel difficile à prendre en main, c'est un outil libre qui peut bugger assez facilement, qui est gourmand en mémoire en plus, et surtout ne représente pas la multiplexité des liens. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des liens de plusieurs couleurs entre deux nœuds. C'est embêtant. Donc, le logiciel utilise une table de nœuds, une table de liens. J'ai 7 types de liens. Donc, parenté, dépendance de vassalité, relation de service, carrière administrative, juridique, expédition militaire. Des liens sont non orientés. Et je peux faire des statistiques autour de la centralité et détection de communauté. La dynamique de réseau, j'ai une période de 250 ans. Et je décide de créer des fenêtres de 60 ans, l'échelle de la vie d'une personne, en fait. Donc, ça me fait 5 fenêtres. Alors, au niveau de l'interprétation, je regarde la fenêtre 1200-1260. Je précise, donc, les Choiseul étaient au départ intégrés dans des réseaux de lignages voisins. Ils avaient des fonctions locales. Et je m'aperçois que, dans cette période-là, ils fréquentent un milieu de prévôts royaux et de baillis, donc des fonctionnaires royaux. Ils deviennent eux-mêmes enquêteurs royaux, voire même baillis. Et puis aussi, ils intègrent des nouvelles sphères de la noblesse. Donc ici, on voit un arc de cercle constitué par des grands lignages nobles avec des femmes, j'appelle des femmes ponts, des lignages égarants qui permettent de relier des lignages importants. Et les Choiseul et les Choiseul de Chenevière sont aux deux extrémités de la chaîne, qui est non orientée, je précise. Ensuite, la dernière phase. Je trouvais important de regarder la dernière fenêtre, 1394-130. En fait, on s'aperçoit que c'est la survie des toponymages qui prime. Donc vous avez au milieu, vous avez un Guy Choiseul de Chenevière et en bleu, une Jeanne de Loris. À la mort de Guy, Jeanne sur Marie avec Pierre, qui est le dernier survivant du toponymage des Choiseul. Son fils, Lancelot, vend la position la plus importante de l'autre toponymage, donc on commence à avoir un signe de déclin. Et pourtant, on a un Jacques de Villiers en 3 qui fait partie de la parentèle des Choiseul de Chenevière et qui succède à Pierre de Passy pour hériter de l'autre possession du Plessis Choiseul. Et donc, c'est cette combinaison d'éléments de parenté, d'un même parenté, qui se succède pour essayer de s'accrocher au centre de pouvoir, au centre de toponymage. Je m'efforce aussi de développer la cartographie des liens dans l'espace. C'est un projet en cours. Là, j'ai juste un graphe de relations entre des individus et des institutions. Vous avez la baie de Chalice, les communes de Senlis, par exemple. Et moi, ce que je veux faire, c'est géolocaliser ces informations, notamment en associant les individus avec les centres de pouvoir et intégrer ça dans un SIG pour cartographier les relations. Ça, c'est un projet. Et en conclusion... Alors, conclusion futur développement. Donc, j'espère avoir résolu mon cas de conscience majeur au niveau des biais, donc en développant la perspective de patération successive de la méthode d'établir une collection de réseaux égocentrés d'échelle de plus en plus grande, passer des micro-lignages, parce que là, ce sont vraiment des micro-lignages que j'ai étudiés, à des lignages régionaux ou interrégionaux, donc les Montmorency, les Melun, les Montfort. Les Montfort, j'ai un problème parce qu'ils deviennent ducs de Bretagne. Donc, à moins d'intégrer l'espace breton dans l'Île-de-France, je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, il s'agit de définir la circulation des biens, l'évolution du niveau des revenus pour estimer le niveau de crise des lignages en question. Et puis, enfin, je vais tenter de cartographier via des méthodes de bloc diagramme et de détection de communautés, donc les réseaux de clientèle, les factions, les partis, et notamment pour mesurer l'influence en Ile-de-France, des Anglais, des Bourguignons, des Armagnacs, des Navarrais, enfin, tous les étrangers qui arrivent. Voilà, je vous remercie de votre attention.